Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Radioactive, bienvenue sur nos ondes et c'est l'heure du MAG, votre rendez-vous avec l'actu locale. Aujourd'hui, on s'intéresse à une initiative de prévention qui s'est tenue au centre social MJC d'Amboise à destination des habitants du quartier de la Verrerie, un temps d'échange et de sensibilisation autour de la sécurité routière animé par Hugo Trindade. En formation pour devenir enseignant de la conduite, autrement dit moniteur d'auto-école, Hugo a assuré cette intervention dans le cadre de son cursus. Un exercice grandeur nature qu'il a plutôt bien relevé face à un public attentif et participatif. Son intervention s'articulait autour de deux grands axes, la vitesse et la fatigue au volant. Sur la question de la vitesse, Hugo a notamment évoqué une notion clé, l'énergie cinétique, l'énergie d'un objet en mouvement. Plus un véhicule roule vite, plus cette énergie augmente et plus l'impact en cas d'accident est violent. Un exemple parlant, une voiture qui roule à 50 km/h se fait doubler par une autre à 70 km/h. En cas de choc, la force de l'impact est multipliée par 4. La voiture met deux fois plus de temps à s'arrêter et l'énergie cinétique est doublée. Des chiffres concrets qui permettent de mieux comprendre et prendre conscience des risques. Dans ce premier extrait, nous sommes allés à la rencontre d'Hugo Trindade. Il se présente, revient sur la question de la vitesse, puis sur celle de la fatigue, avec à chaque fois un conseil clé. Bonjour, moi c'est Hugo Trindade, je suis en formation pour être moniteur auto-école. Donc avant cela, j'étais dans le domaine de la télévision, mais vu que c'était à Paris et que c'était un travail assez compliqué pour moi, on va dire, j'ai décidé de me réorienter. Et comme j'aime bien le monde de l'automobile, et j'ai bien aimé enseigner à des amis des petits tips qu'ils n'avaient pas forcément concernant leur voiture, je me suis dit que ce serait pas mal de m'orienter là-dedans. Et alors qu'est-ce que tu proposes ce matin au centre social MJC d'Amboise et pourquoi tu es là ? Alors ce matin, je fais mon action de sensibilisation. Ça fait partie du cursus de la formation ? C'est ça, ça fait partie du cursus de la formation. Donc on doit trouver un public et les sensibiliser sur un sujet de sécurité routière. Et donc les sujets sur lesquels on travaille ce matin, c'est la vitesse et la fatigue. Donc là, tu as proposé plusieurs calculs, notamment quelque chose qui est assez frappant, en même temps assez parlant, c'est que sur un trajet de 100 km, si on roule à 130 au lieu de 110, on ne va gagner que 8 minutes. Donc au final, ça vaut pas le coup de rouler vite. Exactement. Comme tu as dit, on ne gagne que 8 minutes sur un trajet de 100 km, ce qui est en soi rien. On passe de 54 minutes à 46 minutes, tout ça en prenant quand même plus de risques. Et comme on avait pu voir un peu avant dans cette action, l'énergie cinétique qui a subi une augmentation de 40%, ce qui n'est pas rien en cas de choc par exemple. Donc là, la première partie, elle concernait la vitesse. Là, on est sur le temps de pause. La seconde partie, elle va concerner quoi ? Donc la seconde partie, ce sera sur la fatigue. C'est un sujet qui me tient beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est assez fatigué dans mon quotidien. Et c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. Là, je n'ai plus les stats en main, mais on est à peu près sur un tiers de jeunes qui somnolent quotidiennement, même sans vraiment s'en rendre compte. Et d'ailleurs, tu parles des jeunes conducteurs, mais sur cette première partie concernant la vitesse, justement, on l'a évoqué, les jeunes conducteurs qui n'ont pas forcément encore la maîtrise totale de leur véhicule et qui ne se rendent pas compte des risques, finalement, c'est la population la plus en danger sur la route ? On peut dire ça comme ça, oui. Ils sont vraiment surreprésentés dans les bilans d'accidentalité. Ils représentent un nombre assez faible, on va dire, de conducteurs. Et pourtant, c'est eux qui ont le plus d'accidents, surtout liés à la vitesse. Ils se rendent pas compte des risques. La vitesse, ça représente quand même 46% des accidents mortels chez les jeunes sur la route. Si toi, en tant que futur enseignant de la conduite, moniteur auto-école, tu avais un conseil à donner, un conseil principal concernant la vitesse et concernant la fatigue, ce serait quoi ? Concernant la vitesse, je dirais respecter les limitations, tout simplement. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Surtout si on les baisse. Des fois, on peut se dire que le gouvernement, les mairies, par exemple, abusent sur certains sujets concernant la vitesse, mais c'est pas pour rien si on les abaisse. C'est parce qu'il y a des accidents, c'est parce que c'est prouvé. Il y a des statistiques qui sont là pour démontrer ça. Et concernant la fatigue, tout simplement, faut pas rouler fatigué. J'ai déjà eu des amis qui ont eu des accidents par rapport à ça. Je vais en parler après d'ailleurs dans l'action. C'est très facilement évitable. Et donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les jeunes là-dessus. Merci beaucoup Hugo et merci pour cette matinée de prévention. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Des échanges riches et des messages qui semblent avoir trouvé un écho auprès des participants. Mais la deuxième partie de cette sensibilisation portait sur un autre danger souvent sous-estimé, la fatigue au volant. Dans ce second extrait, on retrouve donc Hugo en pleine intervention. Il aborde notamment la somnolence au volant avec le témoignage vidéo de Kahan, victime d'un accident après s'être endormi au volant. Et on terminera avec le bilan de Hugo sur ce temps de sensibilisation. On va commencer ce thème par plusieurs statistiques. Déjà, première statistique, les accidents liés à la somnolence sur la route. Parmi tous les accidents liés à la somnolence, quelle part sont causés par des jeunes conducteurs? Alors, la vraie statistique, on est sur du 38% des 18-35 ans. Comment ça se fait que les 18-35 ans, qui ne représentent que 17% de conducteurs, sont responsables des accidents liés à la somnolence dans 38% des cas? Les jeunes sont beaucoup plus sur leur téléphone que le reste de la population. Quel pourcentage des 18-24 ans souffrent de somnolence? Deux tiers? Ouais. Bon, globalement, on est sur un tiers. Ça veut dire que 36% des jeunes, plus ou moins au quotidien, ont un épisode de somnolence dans la journée. Ça veut dire que, imaginons s'ils sont en cours, ils ne peuvent pas s'empêcher de dormir pendant un de leurs cours. S'ils sont au travail, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre une sieste, même contre leur volonté. Le problème, c'est s'ils prennent la route le matin ou le soir fatigués, ils risquent de causer des accidents. Donc, en gros, conclusion, les jeunes ne représentent que 17% des conducteurs, mais sont responsables dans 38% des cas d'accidents de la route liés à la somnolence. Alors, moi, c'est Kahan, et j'ai eu un accident en octobre 2024. J'étais allé voir des potes et en rentrant chez moi, j'ai eu cet accident. Du coup, je suis parti de chez mes amis à 10h et j'avais environ 6h de route. Donc, j'avais prévu d'arriver chez moi vers 16h30-17h. L'accident, il a eu lieu sur une départementale vers 16h, donc c'était juste avant que j'arrive chez moi. Alors, j'étais très fatigué parce que la veille, on avait fait la fête. J'avais dormi à peu près 4h, donc ouais, j'étais vraiment fatigué. Au moment où je suis parti, j'ai pas spécialement pris de précautions parce que ça faisait longtemps que je conduisais, j'étais assez à l'aise, j'avais déjà conduit dans des moments où j'étais assez fatigué, donc j'ai pas spécialement ressenti de signes avant l'accident, peut-être 15-20 minutes avant, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. J'avais fait une pause juste avant, et en fait j'ai mangé, mais un peu trop, et la digestion ça m'a complètement vidé du reste de mon énergie, et c'est à cause de ça que je me suis endormi. En fait je me suis pas arrêté parce que je venais de faire une pause, donc j'y ai pas pensé, et en plus de ça, j'ai senti que mes yeux se fermaient, se plissaient un peu, il faisait chaud, mais je me suis pas spécialement fait la réflexion de « je vais m'endormir ». Je me souviens de tout l'accident. En fait, j'étais sur la départementale et c'était un virage assez long sur une ligne droite. Et je me suis endormi pendant le virage. J'ai ressenti que je sortais de la route. À ma droite, il y avait une sorte de fossé. Donc j'ai senti que je me décalais. Quand je me suis réveillé, j'ai fait un coup de volant vers la gauche pour ramener la voiture sur la route. Et en fait, je me suis déporté sur la voie de gauche. En face de moi, il n'y avait personne. Et du coup, pour l'esquiver, j'ai mis un autre coup de volant vers la droite cette fois-ci. Et en fait, j'ai perdu toute l'adhérence et j'ai glissé dans le fossé. J'ai une image très précise en tête. En fait, quand j'ai senti la voiture se décoller de la route, elle s'est retournée. Et en fait, j'ai vu la route au-dessus de moi. J'avais la tête à l'envers. Et je me suis dit, là, si je tombe sur la tête, je suis mort. Et après ça, j'ai tapé le derrière de la voiture, j'ai roulé, j'ai fait deux tonneaux, et la voiture s'est arrêtée sur le côté, mais j'étais complètement gainé, donc je savais pas dans quel sens j'étais, parce que les pare-brises, les vitres, elles étaient remplies de boue, je voyais absolument rien. Et en fait, petit à petit, j'ai un peu lâché mes muscles, et j'ai senti que je partais sur le côté, parce qu'en fait, j'étais... complètement sur le côté. J'ai essayé de soulever la porte, mais impossible. Donc quelqu'un est venu m'aider une minute après. Il m'a aidé à sortir et après, classique, police, pompiers, ambulance. Du coup, après l'accident, la voiture était complètement détruite. Le moteur marchait toujours, mais impossible de rouler avec. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu aucune séquelle physique. Les airbags avant ne sont pas déclenchés, parce que c'est l'arrière de la voiture qui a tapé. Et du coup, je n'ai rien reçu dans le visage. Je sais pas ce qu'on va dire, tant mieux, parce que du coup, j'ai eu aucun dégât physique par rapport à l'airbag. Après, du côté psychologique, je ressens pas que je suis traumatisé, mais je sais que quand je somnole, j'ai un peu cette sensation bizarre, ça me rappelle l'accident et ça me fait presque la boule au ventre. Si je devais refaire un trajet semblable, déjà, je serais beaucoup plus conscient des dangers, parce que ça m'est arrivé malheureusement. Si j'avais un conseil à donner, je dirais ça serait de manger léger, et aussi de pas du tout lésiner sur les pauses, même après le premier signe de fatigue. Voilà, l'action de sensibilisation est terminée. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe? Franchement, un groupe très sympathique. Non, vraiment, j'ai très bien aimé ce petit groupe. Pas trop nombreux, pas trop peu non plus. Franchement, c'était un bon nombre pour pouvoir échanger facilement. Non, c'était vraiment très sympa. Merci, je vais aller me diriger vers quelques-unes des participantes. Jade, qu'est-ce que tu retiens de cette matinée de sensibilisation? Je retiens beaucoup de choses. Je savais déjà quelque chose parce que je viens de sortir du code et je suis dans mes heures de conduite. Mais j'apprends un petit peu plus de choses, comme par exemple le PADA que je connaissais pas. Tu peux nous expliquer vite fait le PADA? Le PADA, c'est plusieurs étapes, on va dire, avant de pouvoir agir. Donc on a le P pour la perception, donc on voit le panneau stop par exemple. L'analyse en se disant il y a un panneau stop, il faut s'arrêter. Ensuite la prise de décision en se disant bah il faut s'arrêter. Et ensuite l'action où on freine au panneau stop. Voilà, je connaissais pas ce principe-là de PADA, mais je suis contente de l'avoir appris. Ok, merci Jade. Stéphanie, est-ce qu'il y a un chiffre ou quelque chose qui t'a particulièrement interpellée dans ce temps de sensibilisation ce matin ? Oui, c'est ce qu'on a vu dernièrement sur la fatigue, où Hugo nous a expliqué que si on avait plus de 17 heures d'éveil, lorsqu'on prenait le volant, c'était équivalent à un taux de 0,5 g d'alcool dans le sang, donc ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'on voit l'effet que le manque de sommeil peut avoir sur nous. Et puis on a vu un reportage sur un monsieur qui s'endormait au volant et même lui s'en rend pas compte et il a passé presque 100 km d'inattention sans s'en rendre compte, donc c'est quand même des chiffres qui parlent. Et là, ça, on doit vraiment doubler de vigilance et merci à Hugo pour cette prévention. Nous, on va essayer de faire passer le message, d'en parler autour de nous parce que je pense qu'on n'en a pas tous conscience et qu'il y a beaucoup de vie en jeu. Une intervention utile, concrète et accessible qui rappelle que la sécurité routière concerne tout le monde au quotidien. Entre pédagogie, témoignages et échanges, ce temps de sensibilisation aura permis sans doute de faire évoluer certaines habitudes ou au moins d'y réfléchir. C'est la fin de ce mag, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau mag. Dans cette attente, vous pourrez retrouver ce dernier en podcast sur notre page Facebook. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.